Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline, qui a monté tout récemment une laverie, Linosauria, et qui va nous en parler, et notamment pourquoi elle a fait certains choix. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, comment ça vient cette idée de créer, de monter une laverie ? Dis-moi tout. Alors je vous dis tout. L'idée d'ouvrir une laverie a émergé en fait parce que je cherchais à la base à faire un investissement locatif. Je me disais, il faut que je fasse des placements pour anticiper ma retraite pour plus tard. Et comme le secteur est tendu et ce n'était pas forcément intéressant, je me suis dit que voilà, qu'est-ce que je pouvais trouver comme solution alternative. Et en cherchant, l'idée de la laverie m'est venue parce que c'est vrai qu'elle ne demande pas d'intervention humaine. Ouais. Donc pas de présentiel, et c'est ce qui est important pour moi parce que mon activité principale me prend beaucoup de temps, donc je ne peux pas me permettre d'avoir deux boulots en même temps. Et la laverie aussi, l'idée m'est venue parce qu'en me rendant d'une laverie, je trouvais l'ambiance un peu froide, et c'était limite, voilà, je ne sais pas, à l'aise dans ce milieu, et je me suis dit, mais pourquoi pas monter une laverie mais dans laquelle ce serait agréable de venir, où on se sentirait comme chez soi. C'est comme ça que m'est venue cette idée. D'accord, d'accord. Et le nom que tu as donné à ta laverie signifie ? Le nuage blanc. Voilà. Et tu as installé cette laverie dans quel coin de Bayonne ? Alors, je l'ai implantée Bayonne Nord, vraiment à la limite de Tarnos. En fait, en cherchant un local, je me suis rendu compte que toutes les laveries étaient quasiment en hypercentre de Bayonne. Et sur Bayonne Nord, au final, il n'y en avait que très peu. Mais très proche, on va dire, à Dour. Et alors que sur Bayonne Nord, au quartier Saint-Sontan, à Basse-la-Plaine, toute cette zone-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait quasiment pas de commerce aussi. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas développer une activité là, alors qu'il y a quasiment la moitié de la population de Bayonne qui se situe sur cette zone-là. Oui, en effet. Et donc, tu as trouvé le local de tes rêves ? Exactement. En fait, je passais devant tous les jours pour me rendre au travail, en face de la station de lavage pour voiture. Et j'ai vu cette grande vitrine avec un panneau à louer. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir ce local. Et quand j'y suis rentrée, j'ai vu un espace important, 50 mètres carrés, lumineux. Et de suite, je me suis vue faire cette laverie dans ce lieu. Et de suite, je pensais à un petit coin bibliothèque. Il y a plein d'idées qui ont émergé voyant ce local. D'accord. Et alors, il se situe où exactement ? Tu peux donner l'adresse, il n'y a pas de souci. C'est un chemin de Saint-Sontan à Bayonne. C'est vraiment à la limite de Tarnos. C'est une résidence qui est récente, qui a 2 ans à peu près, 2-3 ans. On a une boulangerie à proximité, il y a un burger. Donc, il y a aussi des commodités, on va dire, coiffeurs également, qui sont à proximité de ce local. D'accord. C'est très visible, c'est vraiment en face de la station de lavage pour voiture. Ok. Donc à la limite, on peut se faire coiffer ou aller manger un bout, un burger, pendant qu'on met son linge à laver. Alors, j'ai vu sur ton compte Insta, du nom de la laverie, Linosauria, que c'était une laverie particulière. Tout à fait. Et qui fonctionne grâce à l'ozone. Exactement. Alors, l'ozone, pourquoi ? Comment ça marche ? Dis-nous, allez. Alors, l'ozone, c'est un procédé qui est développé depuis peu, peut-être 1, 2 ans, 3 ans. Ce sont des boîtiers en fait, qui vont prendre dans l'oxygène l'ozone. Et l'ozone, en fait, c'est un pouvoir destructeur de bactéries. Ça va être plus efficace qu'un lavage. On va mettre beaucoup de température, du 50, 60 degrés. Là, on va avoir un lavage à froid, mais qui va être très efficace. Donc, ça va tuer en profondeur toutes les saletés, les impuretés. Et en fait, on va avoir un linge qui va être beaucoup plus propre. Mais c'est aussi écologique parce que du coup, on utilise moins d'eau chaude, moins de consommation en électricité. Et les lessives qu'on va utiliser sont vraiment adaptées à l'ozone. Donc, elles se détruisent à froid. Et il y aura moins de résidus, on va dire, qui vont partir dans les eaux usées. D'accord. C'est vrai que l'ozone, on pense, bien évidemment, en couche d'ozone, c'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. On a parlé de l'ozone pendant la période de Covid, puisque ça servait à désinfecter pas mal de pièces, d'établissements touristiques et tout ça. Mais l'ozone dans le lavage, jusqu'à présent, en tout cas en ce qui me concerne, je n'avais pas encore entendu parler. Alors quand j'ai vu que ça arrivait sur Bayonne, est-ce qu'à ta connaissance, ça se fait dans d'autres endroits oui, déjà il y a, ouais. d'autres laveries qui, ouais. qui l'utilisent mmh. également. C'est vrai qu'il y en a qui ont changé de système pour passer à ça. Donc je ne serai pas la première à l'utiliser, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est important dans la démarche écologique. Oui, mmh. oui absolument. Donc déjà, tu as un certain recul par rapport à ceux qui l'ont utilisé préalablement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur cette laverie ? Ça fait, déjà, elle est ouverte depuis quand ? Alors, elle n'est pas tout à fait ouverte. Elle n'est pas tout à fait ouverte. On est sur les finitions ouais. des travaux, là. Oui. Donc, ça devrait arriver assez rapidement. En fin de semaine, tout devrait être en place. Mais bon, mm-hmm. je me donne quand même quelques jours pour voilà, faire les petits détails, améliorer les petits détails pour que ce soit impeccable pour ouais, accueillir ouais, les clients. Et je prévois aussi de faire une inauguration également. Mm-hmm. Donc ça, je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas de date voilà, de oui, suite. Oui, pas de date précise, mais non, bon, mais ça, ça va arriver, soit semaine prochaine semaine, ou semaine d'après, mm-hmm. Dès que tout sera voilà, bien en place. Et après, ça sera ouvert avant la fin du mois, en tout cas. Voilà. D'accord, ouais. Donc avant fin avril. Avant fin avril, mm-hmm. tout à fait. Ouais, okay. Tu prévois de faire une petite inauguration pour ça ? C'est ça, je vais faire une inauguration où j'ai justement contacté la boulangerie d'à côté pour, bah oui. pour lui commander des produits. Donc, je vais voir ce que je vais commander pour que ce soit adapté à tous les goûts. Et voilà, donc je trouve ça plus agréable comme ça de rencontrer les personnes, les habitants des résidences à côté qui vont venir voir le lieu, mais aussi les commerces d'à oui. côté, de proximité, qui seront invités également. Et comme ça, tout le monde pourra découvrir l'ozone. Et ça me permettra aussi d'expliquer en direct comment fonctionnent les machines et comment oui, fonctionne l'ozone. Oui. oui, exactement. Voilà, donc aujourd'hui, tu fais une petite répétition. C'est ça, c'est une petite répétition, exactement. bon, tu voulais rajouter autre chose ? Tu es venu avec quelques notes, donc non, vas-y, regarde, là, c'est le moment. On a dit un peu tout ce qu'il fallait. On a dit l'essentiel, mais oui, des fois, il y a... Le confort, de toute façon, non, c'est le lieu, on a dit. On l'a dit. Ouais, le choix de la laverie. Après, peut-être l'identité basque, je ne sais pas si c'est importante ou pas. Oui, oui. Voilà. oui, oui. C'est important à souligner. Comment on peut dire ça oui, bah après, voilà. Parce que la recherche de nom, c'est toujours un peu. Alors, pas compliqué, mais c'est long. Ça, oui, alors, c'est pas évident. Il faut un nom pas trop commercial, quelque chose d'agréable. Pour le choix du nom. Voilà, je voulais un peu une identité locale, c'est important pour moi. C'est vrai qu'il y a des franchises qui prêtent leur nom, on va dire. Oui. Mais moi, je voulais vraiment avoir mes codes couleurs, mon identité, quelque chose où je me sens bien moi. Donc c'est vrai que j'ai voulu créer le nom de cette entreprise, la Inosuria, pour que ce soit local, basque. Pourquoi pas développer plus tard plusieurs laveries, avoir oui, en fonction oui. du développement. Mais voilà, c'était quelque chose d'important d'avoir mes codes couleurs à l'intérieur, quelque chose où je me sens bien et j'ai envie que les autres se sentent bien également. D'accord, bah écoute, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. On ne manquera pas de suivre l'ouverture. Oui. Donc, tu communiques principalement sur Instagram, hein, oui, sur le Facebook compte, aussi. Et sur Facebook. Voilà. Consulter, ouais. Ouais. Bon, ça existe encore, oui, comme ça, j'ai l'habitude encore. De dire. donc sur la Inosuria. Et peut-être à très bientôt. Mais à très bientôt. Merci Céline. Merci, bonne journée.